À l'occasion du 52e anniversaire de l'intégration du général Kim Jong-il au comité central du Parti Travail de Corée, le comité préparatoire suisse pour le rendez-vous en l'honneur des grands hommes de Saint 2017, le comité suisse-corée et le cercle suisse d'études des études Jutsé ont publié le 8 une déclaration commune. La déclaration a exalté les idées et exploits immortels du général Kim Jong-il accomplis pour l'édification du Parti Travail de Corée.